Donc, nous sommes de retour à Futur Simple. C'est Christiane Dupont qui vous parle. Et nous allons maintenant traiter de l'actualité. Et puis, François, la traçabilité alimentaire est sur le point de gagner du terrain au Québec. Oui, selon un article paru récemment dans le webzine Novae, à compter de l'été prochain, les œufs vendus au Québec devront être identifiés par un code permettant de retracer leur provenance. Le code retracera non seulement la ferme où les œufs, d'où les œufs proviennent, mais aussi l'endroit où ils ont été lavés, mirés, classés et emballés. Ce premier système de traçabilité complet dans le domaine de la production agricole permettra aussi de connaître l'origine du produit parce que chaque œuf portera le nom de la province ou du pays d'origine. Cette traçabilité dite de la ferme à la table est décrite en détail dans le nouveau règlement sur les aliments du MAPAC, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui entrera en vigueur le 8 juillet 2013, donc l'été prochain. Ce règlement établit les nouvelles exigences concernant la traçabilité des œufs et définit les renseignements qui doivent être divulgués sur leur production, leur transport et leur classement. Donc, on veut améliorer cette traçabilité-là, mais est-ce qu'il y a des avantages pour les consommateurs pour connaître toutes ces informations-là? En fait, cette nouvelle réglementation permettra d'agir beaucoup plus rapidement et efficacement en cas de problème de santé animale ou de salubrité des aliments. Par conséquent, elle va limiter les répercussions économiques négatives d'une crise sur le secteur agroalimentaire tout en assurant une meilleure protection de la santé publique. Il pourrait cibler plus, donc, c'est tel lot, tous les œufs sont contaminés, alors que ce n'est pas toujours le cas, il pourrait plus être... Plus cibler, effectivement, des régions géographiques. Et elle va permettre de tenir compte également des préoccupations des consommateurs en ce qui concerne l'origine des aliments, parce que ça aussi, c'est de plus en plus grand, je trouve, pour permettre, par exemple, aux consommateurs préoccupés par les enjeux environnementaux de choisir un producteur local. Elle permettra aussi de créer un rapprochement entre les consommateurs et les producteurs, parce que le code apposé sur les œufs permettra d'accéder, via un site Internet, à des photos de la ferme de production. Ce système permettra peut-être éventuellement d'établir une communication directe entre les consommateurs et les producteurs afin qu'ils tiennent compte des besoins changeants des consommateurs pour des nouveaux produits. J'imagine les gens avec leur téléphone intelligent devant leur douzaine d'œufs qui essaient de voir des photos de la ferme. Donc, comment cette nouvelle réglementation-là est accueillie par les producteurs? Parce que c'est quand même du travail supplémentaire, j'imagine. Oui, effectivement. Alors, la principale intéressée, la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec, a bien accueilli cette annonce. Son président, Paulin Bouchard, a déclaré que le Québec peut se vanter d'avoir les normes les plus sévères en Amérique du Nord en matière de biosécurité et de salubrité des œufs. Le Québec serait actuellement la région en Amérique du Nord où les normes entourant les œufs sont les plus sévères. Aucun cas d'empoisonnement n'aurait été déclaré depuis 13 ans, soit depuis la mise en place d'un programme de salubrité adressé à toutes les fermes de la province. De plus, en matière de traçabilité au Québec, 3 catégories de viande sont également soumises à des normes allant de la ferme à l'abattoir, soit les bovins, les ovins, c'est-à-dire la famille des moutons, et les petits et grands cervidés. La volaille et le milieu horticole étudient quant à eux la faisabilité d'un tel système. Alors, si vous désirez en savoir plus sur des questions de développement durable, allez sur le site Novae à l'adresse www.novae.ca. Ils ont un site intéressant. Il s'agit d'une entreprise indépendante spécialisée dans l'information et la promotion du développement durable et de ses pratiques d'affaires responsables auprès des professionnels. Alors, maintenant c'est à mon tour. Oui, c'est ça. Alors, dans un autre ordre d'idées, Christiane, un article récent de la revue Science révèle qu'il n'y a pas que les abeilles qui sont importantes pour la pollinisation. En fait, une variété d'insectes pollinisateurs sauvages serait plus efficace pour améliorer le rendement d'arbres fruitiers. Oui, ça c'est très intéressant. C'est le dernier numéro de Science, je crois, un numéro très récent, qui est rédigé par des dizaines de chercheurs de partout dans le monde. Donc, c'est pas un auteur, il n'y a pas une affiliation particulière. Et puis, ce papier-là indique que ce seraient les insectes pollinisateurs sauvages qui seraient les plus efficaces pour polliniser, alors que juste des abeilles, ça peut aider à avoir une meilleure production de fruits, mais dans environ 14% seulement des systèmes étudiés partout dans le monde. Donc, oui, les abeilles, ça aide, mais le mélange de plein d'insectes pollinisateurs est beaucoup plus significatif comme effet. Ça fait tomber un mythe, hein, parce qu'on a toujours l'impression que c'est les abeilles qui pollinisent tout, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas tout. Elles sont là, mais elles ne sont pas toutes seules. Ce ne sont pas seulement les abeilles. Donc, c'est intéressant, ce papier-là. Donc, puisque les cultures... qui demande la pollinisation. Donc, les cultures, c'est beaucoup les fruits, les noix. C'est beaucoup, parce que c'est des fleurs, donc qui dit fleurs, dit besoin d'insectes. C'est ça. Souvent, ces cultures-là sont souvent sensibles à la pollution. Donc, les agriculteurs savent depuis longtemps, ils ajoutent des ruches d'abeilles dans leurs champs pour optimiser les... Mettons, on veut produire des amandes, des bleuets, des melons. Ils ajoutent des abeilles, déjà, une espèce d'abeille en particulier, pour augmenter le taux de pollinisation. Par contre, l'impact de la disparition des autres types d'insectes pollinisateurs qui existent, il n'y a pas juste les abeilles, c'est encore méconnu. On sait que les abeilles, c'est grave qu'elles disparaissent, mais on ne le sait pas trop. Et puis, peut-être qu'implanter de nouvelles abeilles un peu artificiellement dans les cultures chasse les pollinisateurs naturels aussi, puis ça, on le sait pas. OK. Donc, les abeilles seules ne résoudront pas le problème, là. Malheureusement, non. Ça serait trop facile. Ça serait trop beau. Pour résumer un peu les recherches, les chercheurs ont testé 4 hypothèses. Donc, ils ont émis l'hypothèse que les abeilles et les insectes augmentent la quantité de pollen sur les fleurs. Donc, ils ont regardé ça au départ. La deuxième, c'est que pour les cultures, le rendement de fruits serait accru quand il y a beaucoup de pollinisation, quand il y a des pollinisateurs. Troisième, que les insectes pollinisateurs aident aux fruits seulement quand il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc, eux, leur hypothèse de base, c'est qu'ils disaient, s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, d'accord, les insectes vont venir prendre le relais, mais en deuxième choix, on dirait. Et puis, leur quatrième hypothèse, c'est que les assemblages d'insectes plus variés aident seulement aux fruits s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Donc, eux, là, leur hypothèse, c'est qu'ils pensaient que les abeilles, c'était le top. Donc, ils ont ramassé des données dans plus de 600 champs sur tous les continents, sauf l'Antarctique, pour 41 types de cultures, donc des fruits, des graines, des fleurs, des noix. OK. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert, finalement, à partir des données? Ils ont été surpris parce que toutes leurs hypothèses n'ont pas été vérifiées. Les deux premières, oui, mais les deux dernières, les plus intéressantes, ont été réfutées, finalement. OK. Donc, contrairement aux prédictions, la production de fruits a augmenté pour tous les champs visités par les insectes pollinisateurs variés, mais la production de fruits a augmenté seulement dans 14 % des champs où il y avait seulement des abeilles. OK, donc ça vient même un peu dire le contraire. Oui, ça veut même un peu dire que juste des abeilles toutes seules, c'est pas la panacée, c'est finalement. Ça. Donc, vaut mieux, finalement, la variété. La variété, ça revient toujours un peu à ça dans la nature. Ouais. Aussi, la productivité fruitière est deux fois plus grande dans les champs où il y avait beaucoup d'insectes pollinisateurs et pas juste des abeilles. C'est significatif pour les producteurs. Aussi, il y avait plus de fruits... dans les champs où il y avait beaucoup d'insectes, même s'il y avait déjà beaucoup d'abeilles. Donc, c'est vraiment un plus d'avoir aussi des insectes pollinisateurs variés. Puis là, on parle ici... il y a différents types. On dit insectes pollinisateurs, je vais revenir. Là, il y a toutes sortes d'insectes. Il y a des genres de thons. Il y a plusieurs espèces d'abeilles. Puis souvent, on met des abeilles à miel typiques, là. Bien, il y a des genres de guêpes aussi. Il y a plein d'autres insectes qui aiment le pollen qui valent la peine d'être ajoutés. Ce sont des insectes qui volent, c'est ça? Oui, qui volent et puis qui aiment les fleurs, évidemment. Oui, une mouche domestique, ça donnerait rien, je pense. Mais bon. Et puis... Donc, la conclusion, c'est que le fait d'ajouter des ruches et des abeilles dans des cultures qui demandent la pollinisation, c'est bien pratique parce que des ruches, ça se déplace bien. Tu prends le sein, tu prends une boîte, tu l'amènes. Pour les producteurs, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire facilement. Mais ça ne pallie pas au manque de pollinisation causé par la disparition des autres types de pollinisateurs. Donc, c'est une bonne idée, mais c'est pas parfait. Dépendre d'une seule espèce de pollinisateur, c'est aussi risqué parce que les abeilles peuvent avoir de la maladie ou de la pollution ou des parasites aussi. Donc, si on met juste une espèce, puis là, il y a quelque chose qui arrive à cette espèce-là, bien là, il n'y a plus personne d'autre pour prendre la relève. Donc, c'est ça, la biodiversité a bien meilleur goût, finalement. Oui, en fait, c'est ça. Ça nous rappelle que la biodiversité est non seulement pratique pour l'agriculture, mais essentielle à notre survie. Oui. Merci beaucoup, Christiane. C'était très intéressant. Alors, nous allons faire une pause publicitaire. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1.